La sélection de Cheb Nadir, remixée by DJ Tal pour ce soir. تيزا زمان دولا بار دي دي جي طهر سبيسيالمون بو دي جي عبد الله بي هاشم من ناس وحرن بزاف بزاف spécialement pour DJ Hakim. Et oui, sans oublier Mimi, bien sûr. Nesbel Abbas, Bel Ababissa. Oui, Abbas, bien sûr. Copenhague, Arab Nisranima. Pro spécialement pour Copenhague. Oh, peut-être bien sûr. Da Vinci, Golden Eyes. Omar Oscar, The Station Touf. Et oui, Cuisine Abdelnour. De la part du DJ Tal ce soir, spécialement pour Mafi Maya, bien sûr. Et oui, le salon vieil.